Poilu, de Ségolène Vinson et Yves Ramonet. Deuxième salve. Inconnu au bataillon. Ah, putain de la race de Goth. On leur en a fait déguster aux boches ce coup-ci. Les abeilles, je les ai senties siffler autour de moi, mais pas une piqûre. Il n'y a pas de blessés. Biribi, oh. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je suis encore le chef des opérations. Je vais faire l'appel. Biribi ? Présent, en un seul morceau, du premier choix. Groin de coche, pardon. Caporal Desmorand ? Présent, en un seul morceau. Enfin, je vérifie quand même, on n'est jamais trop prudent. Mon masque, ouais, c'est bon. Mes bras, oui. Oui, bon, ça ira. Gouma, présent. J'ai une petite femme. Guigui de eux-mêmes. Hola, le poète, vous m'entendez? Dans la tranchée, j'étais comme un homme présent. Mes sentiments vaincus en étaient eux absents. Pas de doute, capitaine, il est là. Dreyfus. Dreyfus. Ouais, c'est bon, on s'affole pas. On s'affole pas, j'ai terminé le boulot. Parfois, vous faites vraiment les choses à moitié. Le baron de Varney dort dans sa carlingue, nous sommes donc au complet. Soldat, je suis content de vous. Et Marina Vinsonievska, infirmière à la Croix-Rouge. Mais je ne désespère pas d'intégrer le service des santé des armées. Si les rangs de cuir se décident enfin. Je vous prie de bien vouloir avancer, qu'on vous voit. Merci. Qui est la personne qui vous accompagne? Je ne sais pas. Il n'a pas su me donner son nom. Le choc, sans doute. Pour l'instant, il est évanoui. Vous avez un endroit où je pourrais le soigner? Oh, Marina, tout à coup, moi aussi, je me sens vraiment mal. Uh-huh. J'ai été blessée, je crois, très grièvement. J'ai besoin de votre aide. Je sens que les choses ne vont pas s'arranger. Marina Vinsonievska, si vous voulez rester parmi nous, ce sera avec plaisir. Une infirmière ne peut pas nous faire de mal. Ça peut même nous faire beaucoup de bien. Biribi, s'il vous plaît, votre tenue. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Si la pâche me touche, je le fume comme une clope. Bien que je sois contre les génocides des Indiens par ces capitalistes américains, et celui des Arméniens par ces misérables Turcs, comme contre tous les génocides passés et à venir... Vous n'êtes quand même pas bolchevique. Bolchevique? Aucune chance. Ceux-là sont traîtres à la cause. Je suis anarchiste. Ni Dieu, ni maître. Seigneur Jésus-Marie-Joseph, la pécherie suritime. Faudrait quand même peut-être le baptiser, cet homme. Bon, mon père et Biribi, je vous ordonne d'aller vous occuper ailleurs. J'ai à parler à notre invité. Alors, comment se porte notre mystérieux soldat? Il récupère vite, très vite. Trop vite. Bien. Une question me préoccupe pourtant. Et si c'était un Allemand? Et si vous lui posiez vous-même la question? Il est réveillé. Hein? Êtes-vous Allemand? Je comprends. Il parle le français. Ça ne prouve absolument rien. Vous pourriez être un espion. Un espion sans mémoire, c'est comme un homme sans conviction. Inutile. Quand même! Pas de livret militaire, pas de plaque. Aucun signe distinctif, si ce n'est ce tatouage sur votre dos. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de semblable. Que signifie-t-il? Aucune idée, comme pour le reste. J'ai la mémoire vide. Un homme neuf. Un homme prêt pour un futur radieux. Marina, ne vous emballez pas. Il faudra tirer tout ça au clair. En attendant, je vous demande à l'un et à l'autre de faire profil bas. Une anarchiste ne baisse ni la tête ni les bras. Je sens que les ennuis n'auront jamais de fin. T'as plus d'identité, t'as plus de passé, et comme nous, pas d'avenir. En fait, t'es un inconnu. Il n'est que présent. Ouais. Entièrement dans l'ici et le maintenant. On t'appellera le soldat inconnu. Si vous voulez, ça m'est égal. L'inconnu, ce sera plus simple. Ouais, c'est bien aussi. Eh mais dis donc, s'il n'a pas de nom, il n'aura pas de tombe. C'est l'enfer. L'enfer, on y clapote déjà, groin de cochon. Alors tombe ou pas, moi je m'en fous. Les esprits ne pourront pas venir les chercher pour retrouver ses aïeux. Les esprits, je vous croyais catholique bontain de Goumain. Quand il s'agit de la mort, je m'arrange comme je veux et je vous emmerde. En tous les cas, jamais personne ne viendra fleurir la tombe que tu n'auras pas. C'est triste. Vous imaginez ces bourgeois qui nous envoient à la boucherie venir rendre hommage aux soldats inconnus? Je sens que nos ennuis ne font que commencer. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Deuxième salve. Avec Olivier Clavry, Pierre-Jean Pagès, Didier Brice, Laurent Ferraro, Julien Alouf, Donatien Guillot, Laurent Lederer, Lenka Luptakova, François Hatt et Henri Alexandre, Julien Aluguette, Bertrand Farge, Léonard Pathé et Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zandre.